Chapitre 9e, on commence à cogiter sec. Je cueille Serge juste à sa sortie de l'hôtel de police. Tu tombes bien. Je vais voir le légiste pour l'assassinat des plongeurs. Viens avec moi. Dans la voiture, je lui explique mes récents malheurs qui non seulement m'ont fait venir les glandes, mais qui en plus me mettent sur la paille. Putain, c'est pas vrai, murmure Serge. T'es tombé sur des malades. À quelques minutes près, je tombais sur le métèque en train d'opérer, tu te rends compte? Je me rends compte qu'au lieu de te casser la voiture, il t'aurait cassé la tête. Tu vois, dans le fond, t'as eu de la chance. On n'a même pas besoin de chercher le coupable. Je te garantis qu'il va cracher le morceau, même si je dois le remettre dans le coma. Patience, Gino. Tu vas voir, petit à petit, nous allons remonter la filière et avec les photos, on pourra serrer toute la bande, tranquillement, comme aux champignons. J'ai mis Esposito pour se rencarder adroitement, si d'autres que Gilda n'avaient pas été contactés aussi. On pourrait voir plusieurs pistes qui se recoupent. À Liemel, le docteur Schall nous reçoit cordialement. « Vous voulez les voir ou vous me faites confiance ?» plaisante-t-il. Puis se tournant vers moi, ironique. « Vous êtes de nouveau en service, Volpi ?» alors qu'il sait très bien que je suis suspendu. Il est taquin, ce Schall, mais aujourd'hui j'apprécie moyennement vu ce qui m'arrive. Remarquez, qu'est-ce que j'ai pu le chambrer en montant entre Charles à temps et Charles à temps. Aujourd'hui, il me renvoie l'ascenseur, normal. Allez, révérend docteur médecin, nous vous écoutons. Les deux cadavres présentent la même blessure faite avec la même arme. À l'une des extrémités de la plaie, la lèvre est franche et fine. À l'autre bout, elle est effilochée et déchiquetée. J'opte pour un poignard de chasse sous-marine dont la lame est tranchante d'un côté et crénelée de l'autre pour écailler les poissons. Vous suivez? Oui, et après? Les deux corps présentent des coupures aux mains et aux bras. J'en conclus que les gars ont essayé de se défendre comme ils ont pu contre leur agresseur. Vous pensez qu'il n'y avait qu'un seul agresseur? C'est tout à fait possible, mais dans ce cas, ils les attaquaient l'un après l'autre. Il faut que je mette mon grain de sel. C'est plausible, ce que dit Charles. D'abord, ils ont dû être surpris, sinon ils auraient pris la fuite s'ils n'avaient pas d'armes. Chacun d'eux a pu croire que c'était son copain qui approchait, car dans la pénombre des profondeurs, il n'y a rien qui ressemble plus à un plongeur qu'un autre plongeur. Les combinaisons sont presque toutes pareilles. Au dernier moment, ils se rendent compte de la méprise, voient le poignard, font ce qu'ils peuvent, mais c'est trop tard. Voilà. Bonne conclusion, Volpi. Mais ce n'est pas tout. Une fois le coup porté, l'assassin a certainement pris la fuite sans couper ou débrancher leur système de respiration. Les victimes ont donc dû remonter dardard, tout en respirant et agoniser rapidement à la surface. Leurs poumons ne contiennent pas d'eau. C'est pour cela qu'on les a trouvés flottant sur l'eau. En fait, c'est l'hémorragie massive qui les a tués. Ne me demandez rien d'autre, et pour le reste, creusez-vous les méninges, les gars. Après avoir remercié Charles de son bon travail, nous partons prendre l'air frais et fumer une clope sur le parking. Dans la voiture qui nous ramène à l'hôtel de police, ça discute ferme entre Serge et moi. Finalement, il ne nous a pas appris grand-chose, Charles. Et s'ils avaient été tués sur le bateau et jetés à l'eau après? Me demande Serge. Tu sais que les plongeurs ne prennent leur respirateur qu'au dernier moment. Ils ne l'auraient pas eu en bouche et seraient morts noyés. Non, il est plus que sûr que l'agression a eu lieu sous l'eau. Ouais, mais ça ne nous avance pas beaucoup pour l'enquête, Serge. Pour mon enquête, tu veux dire? Qu'est-ce que tu vas faire pour le saccage de ton appart? Cet après-midi, je vais me rencarder sur l'état du frelon et demain, j'irai le cuisiner s'il est visible. Et là, je te garantis que je saurai qui l'a commandité. Même si je dois me colter avec la sécurité de l'hosto. Heureusement que mes affaires marchent bien avec Gilda, sinon je me retrouvais à la rue, comme un clodo. Il va falloir que j'explose mon compte en banque. Je n'ai plus rien à me mettre. Ce salaud m'a tout bousillé. Enfin, comme tu l'as dit, il aurait pu me casser la tête, ce con. Je suis en vie, c'est déjà pas mal. Ouais, mais si tu ne fais pas gaffe, la prochaine fois, ce sera peut-être la bonne. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que j'arrête de respirer? C'est pour ça qu'il faut se manier le cul avant qu'il fasse exploser le bar de Gigi et qu'il me fasse la peau. Nous faisons une pause dans la conversation et je ne peux m'empêcher de repenser la façon dont les deux plongeurs ont été assassinés. Tu crois qu'ils étaient deux? Qui, quoi? De quoi tu me parles, là? Mais du meurtre des deux plongeurs. Ah, quand tu tiens une idée, toi. Je vais te dire. Moi, je crois qu'il n'y en avait qu'un. Il s'agit de la même arme. Je sais, mais ces couteaux de plongée, tu en trouves à brasser chez le marchand. Je maintiens qu'il pouvait très bien être deux. D'abord, il faudrait savoir s'ils venaient de la côte ou s'ils ont plongé d'une embarcation. Et qu'est-ce que ça peut foutre, Gino? Le résultat elle-même? Non, ce qu'il faudrait trouver en premier, c'est pourquoi les potes de Sanchez ont été tués. Est-ce que les assassins les ont surpris alors qu'ils venaient juste de trouver le trésor? Ou bien ont-ils été dérangés dans leur tâche un peu louche? Pour surprendre les deux plongeurs, il leur a fallu que les assassins soient au courant et qu'ils les épient. Sinon, tuer de sang-froid des mecs qui viennent de trouver une boîte, sans savoir peut-être ce qu'elle contient, il faut être cinglé pour se hasarder à ça. Je pencherai plutôt pour l'hypothèse qu'ils ont été effectivement surpris en train de faire un truc pas clair. Et puis n'oublie pas la mort de Rino. On n'a toujours pas trouvé pourquoi on l'a refroidi, et avec une panoplie de plongeurs en plus. C'est clair que ce n'est pas Sanchez qui l'a dégroupé. T'as raison, Gino. S'ils étaient au courant, ils auraient pu tout à loisir plonger tous les matins pour chercher le magot à leur place. Ils en avaient tout le temps. Je marque un temps d'arrêt pour bien fixer ma réflexion. Alors les copains de Sanchez devaient avoir découvert quelque chose où ils devenaient gênants. Comme ton copain Rinaldi. Oui, mais j'avais toujours pensé que c'était la découverte du business de Sanchez qui avait causé la mort de Rinaldi. Eh bien, ce n'était pas ça, Gino. C'était autre chose. Sanchez et ses potes ne sont pas et n'ont jamais été des criminels. Rinaldi a été assassiné pour une autre raison. C'est vrai qu'il m'avait écrit qu'il y avait des mecs pas clairs qui lui filaient le train. Tu te souviens de sa lettre? Je te l'ai montré. En tout cas, s'il s'agit des mêmes tueurs, ce sont des mecs qui ne rigolent pas. À moins que le jeu emballe vraiment la chandelle. La grosse affaire alors? Et le trésor de Sanchez dans l'histoire? Un simple grain de sable qui a grippé une machine beaucoup plus grosse. Tu as levé un lièvre, mais tu n'as pas vu le loup qui était derrière. Possible. La conversation retombe, chacun de nous voulant réfléchir intérieurement. Arrivé au quai de la Joliette, nous sommes arrêtés par un embouteillage monstre. Serge demande des infos par radio. C'est un camion qui s'est renversé avec tout son chargement de ciment après avoir fait un écart. Punaise. Dire qu'on n'est qu'à quelques centaines de mètres. J'aperçois des gens qui traversent la chaussée en direction des quais d'embarquement. Ceux-là vont voyager, voir du pays, vivre un peu d'aventure, commencer une nouvelle vie peut-être. Et moi, je suis là, à pédaler dans la choucroute, sans faire quoi que ce soit de productif. Je me suis débrouillé pour gâcher mon boulot, pour suivre une poignée de connards boutonneux qui vociféraient des slogans à la mort moelle-neux, dont ils ne mesuraient pas l'inanité, et moi, j'étais derrière, le pont en l'air, à vivre l'adolescence que je n'avais pas eue. Sous les pavés, la plage, tu parles. Moi, j'avais la plage et maintenant, il ne me reste plus que le pavé. Pauvre con, va. J'ai un boulot dont la pérennité est suspendue à une ficelle. Je n'ai plus de maison, je n'ai plus rien à me mettre et tout ça par ma faute. Ah, vraiment, Gino, t'es le plus fort. Je cherche une gauloise dans mon blouson en jeans. Tiens, ce blouson aussi. Je suis fringué comme un clodo. Pas étonnant que je le devienne. Non, vraiment. Il va falloir que je fasse un effort. Comme s'il avait deviné mes pensées, Serge me lance en me regardant. Dis, Gino, je ne voudrais pas te vexer, mais tu vas continuer longtemps à te déguiser en ouvrier au chaume du. En plus, avec tes cheveux longs, t'as plus qu'à faire la manche. Au fait, tu joues toujours de la guitare. Non, ça aussi j'ai arrêté. Comme le reste, tout part en couille chez moi. Allez, ne le prends pas mal, mais je te jure que ceux qui ne te connaissent pas ont l'impression que je traîne avec moi un de mes indiques. Écoute, tu sais ce que tu vas faire? Non. Comme t'as plus rien à te mettre, tu vas aller faire les boutiques avec ta miss. Je suis sûr qu'elle te conseillera et qu'elle tiendra à être fière de son petit homme. Tu as pensé un peu à elle. Moi, si j'étais une nana, je ne sortirais pas avec toi dans cette dégaine. Et puis, si tu veux regagner ton poste, il faut faire un effort vestimentaire aussi. Franchement, un patron réfléchira deux fois devant ton allure de traîne sabate. Le salaud, il a mis le paquet cette fois. Mais je ne lui en veux pas. D'abord parce qu'il a raison, et ensuite parce qu'il le fait pour mon bien. Quelque part, il doit avoir de la peine de me voir comme ça. Et je sais qu'il doit souvent parler avec Sylvia qui doit se désoler. Du coup, je remets la clope dans mon paquet. Tiens, je vais m'arrêter de fumer, c'est déjà ça. Et puis je vais aller chez le Merlan, ça fait une paye qu'il ne m'a pas vu. Ça va, Gino? Me glisse Serge, inquiet. Très bien, je vais faire ce que tu m'as dit. Les coups de pied au cul, ça fait du bien quelquefois. J'étais justement en train de m'en donner. Tu m'as donné le coup de grâce, c'est tout, mais ça a été efficace. Je te jure que je me remuais. J'ai peut-être été un peu fort, excuse-moi, mais franchement, ça me fait de la peine de te voir comme ça. Il fallait que je te le dise. T'as bien fait. Les amis ne sont pas là que pour distiller des douceurs. Allez, t'inquiète. Tu vois, si tu ne m'avais rien dit, eh bien, je t'en aurais voulu. » Nous arrivons enfin à l'hôtel de police après avoir poireauté un bon quart d'heure sur place. « On mange un morceau ensemble ? C'est moi qui régale, » me dit Serge. « Allez, mais pas loin alors. » Au moment où nous enfilons la rue de l'Évêché, Sanchez nous rattrape. « Michaud, t'as du nouveau ? Tu viens bouffer avec nous ? Je te raconterai. » Sanchez est visiblement marqué par ce qui vient d'arriver. Il traîne un peu les pieds et il est certain qu'il n'a pas beaucoup dormi. Tout en mangeant, nous le mettons au courant du rapport du légiste et de nos conclusions. Il est atterré par ce qu'il vient d'entendre. Serge lui demande « Est-ce que tu sais s'ils étaient sur le point de trouver quelque chose ?»« Non, » répond Sanchez. « Ils trouvaient de temps en temps un morceau de l'épave, mais rien de probant. » Depuis le temps, le courant avait dispersé les débris sur plusieurs centaines de mètres, et la végétation sous-marine a poussé depuis. « Sous quelle forme se présentait le magot ?» je demande. « Un sac ? Un coffre ?»« Non, c'était une valise en inox, comme celle des photographes, tu vois. Normalement, ça doit briller sous l'eau, mais avec le temps, elle doit être recouverte d'algues ou de concrétions. » « Et si quelqu'un l'avait déjà trouvé depuis longtemps ?» interroge Serge. « Je ne crois pas, parce qu'il y avait d'autres objets de valeur qu'on a retrouvés. Si quelqu'un avait fait une première découverte, il aurait passé toute la zone au peigne fin, au cas où. De toute façon, on n'a jamais vu personne plonger à cet endroit-là. » C'est quand même formidable de ne pas trouver le moindre point d'accroche entre cette histoire de magot et de double assassinat. À croire que les deux choses n'ont rien à voir entre elles. Serge relance l'interrogatoire. Tes deux copains avaient rencontré d'autres plongeurs ou d'autres bateaux ? Non, jamais. Il y a toujours un palangrier qui pêche un peu plus loin, mais c'est toujours le même et il n'y a jamais eu de problème. Non, vraiment, je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Putain ! Mais toi, tu n'as jamais plongé avec eux ? Fais-je étonné. Non, à cause de mes tympans. J'étais opéré des deux oreilles et il ne me faut pas de pression. Mais ils m'ont expliqué comment ça se présentait au fond de l'eau. Les débris sont répartis sur une surface d'une longueur de 100 mètres et une largeur d'une trentaine de mètres à peu près. Je pense que c'est le courant qui les a dispersés de cette façon. J'ai des photos d'ailleurs. À chaque plongée, ils fouillaient une zone d'une dizaine de mètres à peu près en soulevant les pierres, en écartant les algues. Ces derniers jours, ils se rapprochaient de la fin de la zone. Ah, voilà mes stupions. Non, crotte, ça pourra la table à côté. Je commence à voir les crocs. Serge ne lâche pas le morceau. Et ils n'avaient toujours pas trouvé la valise. Mais, dis-moi, on ne vous a jamais posé de questions pour savoir ce que vous cherchez, puisque vous ne rameniez jamais de poisson. Aussi, putain. Et vous avez rien trouvé, et pourquoi vous plongez toujours au même endroit, puisqu'il n'y a rien. Et patati et patata, ils nous ont gonflés. Alors une fois, on leur a dit qu'on travaillait avec le musée océanographique de Monaco et qu'on faisait des recherches sur la flore sous-marine. On étudiait une espèce particulière d'algues et c'est pourquoi on plongeait tout le temps au même endroit. On est revenu une ou deux fois avec des paquets d'algues et ils nous ont foutu la paix. « Mais vous n'avez jamais un bateau, vous tournez autour ou cherchez à voir quelque chose ?» je demande. « Non. Au bout de la troisième ou quatrième fois, il y a eu le palangrier dont je t'ai parlé, la belle caille, qui est venue nous tenir compagnie un peu plus loin. Après, il sortait toujours en même temps que nous et toujours au même endroit. On s'est même demandé s'ils ne cherchaient pas de leur côté, mais on ne les a jamais vus plonger. « Mais nom de Dieu, qu'est-ce qu'ils faisaient en position fixe ? Va savoir !» fait Sanchez d'un geste large de la main. « Tu sais, on s'emmerdait déjà suffisamment à chercher cette putain de valise pour aller s'occuper des autres. Je sais qu'ils ressortaient la nuit et qu'ils rentraient sur le coup de 5 heures du matin. » Je trouve que nous sommes en train de tourner en rond et ça m'énerve, d'autant plus que les stupions au noir que j'ai commandés commencent à se faire pas trop attendre. À croire qu'ils ont été les pêchés en Algérie. Après avoir secoué verbalement le garçon, je reprends le cours de mon raisonnement. Comment se fait-il que des types qui ne pêchent pas, qui ne bougent pas, ramènent des casiers de sardines et même des saules, alors que des gars n'en a pêché dans le coin ? Vous voulez m'expliquer ça ? C'est vrai. Ça, c'est pas normal, réalise Sanchez. Serge, qui n'a rien dit jusqu'à maintenant et qui n'a fait qu'écouter en mangeant sa soupe du pêcheur, essaie de conclure notre entretien. On va regarder d'un peu plus près les activités de cette belle caille. Qui sait ? On va peut-être découvrir une activité de revente illicite de poissons et peut-être pas frais, en plus. De retour à ma voiture, enfin, celle de Mimille, je croise Esposito. Alors, commissaire, bientôt de retour, me fait-il avec un sourire engageant. Sa question me fait chaud au cœur, car de sa part, je sais qu'il n'y a aucun sarcasme. Qui est l'eau, ça ? Et toi ? Où en es-tu avec ton cramé ? Ton enquête avance comme tu veux ? Vachement. Les spécialistes ont fait parler le cadavre. Ah bon ? Fais-je d'un air ingénu. Ils ont découvert une entaille sur une des côtes inférieures, ce qui signifierait que le type est peut-être mort d'un coup de couteau dans le thorax. En plus, on est maintenant certain que cette bagnole a été volée, les plaques ont fondu dans l'incendie, mais grâce au numéro de série, on a retrouvé le vrai propriétaire. Le truand avait la bagnole depuis 2 jours et à part changer l'imat, il n'avait pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre. Donc c'est bien un truand qui s'est fait trucider et cramer. C'est quasiment sûr, mais de plus, c'est certainement un gars qui venait des pays de l'Est. Ah bon? Les eaux n'ont pas la même couleur là-bas? Esposito se marre comme une baleine. Mais non, c'est à cause des dents. Et il m'explique que les dents noires massifs ne se font plus depuis belle lurette en Occident, mais ont encore cours dans les pays de l'Est. Pour les mecs friqués, bien évidemment. Donc, si je te suis, ta piste passe par l'immigration des pays de l'Est et les amateurs de belles bagnoles. Et par ceux qui font des affaires pas très propres, jusqu'à se prendre un coup de pinel dans le buffet. Le commissaire Michaud m'a dit que des mecs tentaient de racketter votre compagne à carreaux. Si ça se trouve, le Maccabé faisait partie de la même bande. Tiens, pourquoi me parle-t-il d'Opinel? Ce type est beaucoup moins niais que ce qu'il en a l'air. Il faut que j'en sache un peu plus sur ce qu'il pense. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, c'est difficile à dire, une intuition. J'ai essayé d'interroger d'autres patrons de bars ou de commerces situés dans le coin, mais c'est l'omerta. Ils ont tellement peur qu'ils n'en lâchent pas une. On me dit à chaque fois, eh bien, s'il y en a qui font ça et si vous les attrapez, c'est tant mieux. Et basta. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Hein? Et alors, quelle est ton intuition? Mon intuition, c'est que le racket est le seul créneau qui est actuellement libre dans le coin, pour des métèques qui débarquent d'ailleurs et qui ont suffisamment de cran pour risquer leur vie. Mais il faut s'en méfier, car elles sont beaucoup mieux organisées que ce que l'on suppose. Vous verrez que si on les laisse faire, la mafia des soviets aura mis la main sur toute la côte d'ici à Gênes. Ils n'ont ni dieu ni diable et paient tout en monnaie sonnante et trébuchante. Et tu as une idée de la raison pour laquelle on l'a assassiné? Oh, pauvre! Si vous vous préoccupez de ça, ce n'est pas à vous, commissaire, que j'apprendrai que ces truands ont mille et une raisons de s'entretuer. Le mec a peut-être cherché à les doubler, parce qu'il doit de la thune, parce qu'il a piqué une fille, parce qu'il a coupé la neige un peu trop. J'en passe et des meilleurs. Non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de coffrer l'assassin et d'essayer d'en attraper plusieurs d'un coup, comme le petit tailleur. D'ailleurs, le premier que je chope et qui a un rapport de près ou de loin avec le carbonisé, je lui fais porter le chapeau et après on verra. Bon. Et bien avec ces idées, je me demande comment il va réussir à remonter jusqu'à Gilda. Tu ne penses pas plutôt à une guerre des gangs, j'insiste. Pourquoi pas? Là, je me rends bien compte que j'ai poussé un peu loin le bouchon, mais à bien considérer, ce serait tout à fait plausible, car c'est fou, comme les truands locaux sont chauvins et nationalistes. De retour à Caro, je raconte rapidement mes malheurs à Gigi qui compatit. Elle a tout de suite compris que désormais, j'habiterai chez elle. Après une petite sieste câline, je téléphone à l'hôpital Nord pour prendre des nouvelles du frelon. Je sais maintenant qu'il s'appelle Zéphirin Antananarive. Bonjour le nom. Et la standardiste bascule sur le service de chirurgie. Après les explications et salutations d'usage, l'infirmière de garde me précise l'état du patient. Il va très bien. Il est sorti du coma en arrivant ici et nous l'avons opéré d'un tibia. C'est tout ce qu'il a de cassé. Il est en train de se réveiller en réa et après on le transfère dans une chambre normale. Je vous passe l'interne, si vous voulez. Le jeune chirurgien me confirme les dires de l'infirmière. Mais sachant que c'est ma voiture que Zé a percutée, l'interne me demande. Dites, il y avait quelque chose qui dépassait sur votre voiture. Un bout de tôle ou un bras de rétroviseur? Non, je ne vois pas. Pourquoi me demandez-vous ça? Parce que j'ai dû lui suturer une plaie ronde de 2 cm de profondeur à l'abdomen. Heureusement, aucun organe n'a été touché. Dans un éclair, je comprends que la pince Monseigneur a achevé ma vengeance. Dans son malheur, il a eu la chance, le Zé. Toutefois, je me garde bien d'indiquer la cause de la blessure à l'interne. J'ai une course à faire à côté, dis-je à Gigi. À tout à l'heure. Le merlan du coin me regarde entrer dans sa boutique avec un plaisir évident, voire gourmand. Pour s'assurer de mon prochain bonheur, il me fait. C'est pour les cheveux? Pas trop court quand même, surtout les oreilles. Vous me laissez aussi les pattes assez longues. Derrière, pas trop court non plus. Je ne veux pas ressembler à un bidasse à l'incorporation. Ne vous inquiétez pas, je vois ce que vous voulez. Dès le shampoing, les questions commencent. Vous êtes de passage? Et qu'est-ce que vous faites? Et patin couffant. Pour couper court, mais pas trop pour le coiffeur, je lui allonge carrément que je suis flic, et que je suis le mari de la patronne du bar. À partir de ce moment, le Merlan se répand en plainte sur les difficultés du petit commerce écrasé de taxes, de la nécessité de s'unir face à l'adversité. Bref, il me l'a fait à la Poujade, 20 ans après. Intrigué, je lui demande « On est venu vous embêter ou vous raqueter dans votre salon ?» Vu que le bonhomme tient un rasoir dans la main et vu aussi sa réaction, j'aurais dû attendre pour poser cette question. « Putain, risque pas » s'émeut-il, « parce qu'avec moi, ça serait vite fait. » Et se disant, il pose son rasoir et entrebâille la porte d'un placard à balai. Il en sort un fusil à pompe. « Il n'y en a pas beaucoup qui résistent à ça, » fait-il en empoignant le fusil. « Oui, mais avec ça, c'est les bommettes assurées. » Les gendarmes ont toujours dit « Si tu dégroupes un mec, tâche moyen qu'on ne le retrouve pas. Pas de cadavre, pas de meurtre. » « Oui, mais tout le monde n'a pas un jardin avec de la terre meuble pour y enterrer un cadavre. » « Je vous vois mal, avec un pic pour creuser la colline et y faire un trou. »« Oh, mais on peut le jeter à l'eau, ou lui foutre le feu, comme le gars qui a cramé dans l'alpha. »« Allez savoir qui c'est, ce mec. »« Moi, je sais. Mais je vois aussi qu'on est entre gens de bonne mœurs, si je puis dire. » Décidément, Marcel et moi, nous n'avons rien fait que d'être anormal et nous avons même suivi le conseil des gendarmes. 20 minutes plus tard, la tête plus légère mais le cerveau farci, je pénètre dans le bar. En me voyant, Gigi reste bouche bée. Elle sort de derrière son bar et vient se plaquer contre moi. « Je t'aime, mon chou. Tu es tout beau. Ça va. Examen réussi, c'est déjà un bon point. Deuxième étape, le look vestimentaire. Mais ça, c'est pour plus tard. »